bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Très content de vous retrouver pour cette édition spéciale du samedi. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire d'une console à double écran qui a eu son petit succès au début des années 2000. Je ne vous le cache pas. Notre histoire commence mi-décembre 2003. Nintendo laisse sous-entendre au cours d'une conférence de presse qu'un nouveau produit est en cours d'élaboration dans leur laboratoire. Les journalistes demandent s'il s'agit d'une réponse à l'annonce de la PSP de Sony, mais Satoru Iwata, le président, répond que non, qu'il ne s'agit pas d'une console mais d'un produit au concept entièrement nouveau. Monsieur Iwata ajoute, je cite, « Ce produit sera révélé au printemps de l'année prochaine ». Le net s'enflamme, bien sûr, aussitôt, et tous les Nintendo maniaques se posent les mêmes questions. Début janvier 2004, à chaque conférence de presse, le PDG de Nintendo est bombardé de questions, littéralement, concernant ce fameux produit mystère. Fidèle à la politique de la firme, il garde le silence et entend bien entretenir le suspense jusqu'en mars. Sa rengaine fétiche est dès lors, ce produit ne sera pas une console. Il ne remplacera ni la GameCube, ni la GBA, il proposera de nouvelles expériences. Mi-janvier 2004, le mystère est toujours aussi entier et les joueurs sont à l'affût de la moindre indication du PDG de Nintendo. Satoru Iwata annonce en effet aux journalistes qui n'ont plus qu'un seul but dans la vie, lui faire cracher le morceau. Monsieur Iwata nous dit « Le jeu vidéo stagne et ne propose rien de nouveau que de plus joli graphisme. Notre nouveau produit sera réellement novateur. Mais nous sommes conscients qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde et qu'il risque de laisser de marbre certains joueurs. Nous voulons retourner aux sources du jeu. Vous en saurez plus dans 2 mois. » Alors certains s'amusent à tourner en dérision les paroles d'Iwata en imaginant Nintendo sortir des bornes Pong ou des cartes à jouer Mario. Les plus optimistes, en revanche, se prennent à rêver d'une machine les envoyant dans l'espace ou d'un nouveau Virtual Boy plus abouti. Le 16 janvier, Nintendo convie la presse japonaise à une grande conférence prévu le 20 janvier. Ces convocations subites ne ressemblent pas à Nintendo. L'action de la firme, suite à toutes ces rumeurs, devient instable et la pression semble trop forte. Iwata va-t-il enfin cracher sa Valda ? Donc le 20 janvier, la conférence arrive. Le fameux produit mystère qui était censé ne pas être une console, mais un produit au concept entièrement nouveau, est en réalité, je vous le donne en mille, une console ! La vérité est révélée aux journalistes par le biais de la conférence, tandis que les membres des clubs Nintendo du monde reçoivent quasiment le même jour le compte-rendu sous forme de newsletter. Côté innovation, on a vu mieux, car Iwata annonce que le produit, baptisé temporairement Nintendo DS, est une machine performante avec 2 écrans. Bref, un remix de Game & Watch. L'idée de la console est attribuée à l'ancien PDG de la firme, Monsieur Hiroshi Yamauchi, qui, bien qu'à la retraite, garde un siège important en tant que conseiller et premier actionnaire. Ce dernier avouera même dans un quotidien le lendemain, je le cite, « Si la console se plante, je ne me mêle plus des affaires de Nintendo. » Voilà qui est dit. L'opinion générale est très divisée. Certains entrevoient avec enthousiasme les possibilités ludiques d'une telle option, pendant que d'autres sont peu convaincus des exemples que donne Iwata. Il nous dit, par exemple, Monsieur Iwata, « Pour un jeu de foot, il sera possible de visualiser le terrain de haut tout en ayant une vue originale des joueurs. » Le PDG de la firme affirme cependant que ce n'est que le début d'un jouet qui va révolutionner le jeu vidéo et demande aux joueurs donc de se contenter de ces quelques détails jusqu'à l'E3 qui est lui prévu pour le mois de mai. Fin janvier, les spécialistes restent sceptiques et sur les forums de jeux vidéo, on rit sous cap. Nintendo nous aura bien fait poireauter avec son Game & Watch perfectionné, se disent certains. Mais contre toute attente, l'action en bourse de Nintendo fait un grand saut en avant, près de 10% de hausse en quelques jours. Les spécialistes financiers ainsi que les créanciers de la firme, eux, semblent plus confiants. En savent-ils plus que les joueurs au sujet de la machine pour être aussi optimistes ? Le mois de février qui suivra sera maigre en détails et révélations. Nintendo a décidé de jouer l'autruche et n'a de cesse de maintenir les joueurs dans le flou sur l'éventualité de nouvelles options géniales. Par contre, côté spéculation et orgie de rumeurs, jamais nous n'avons été témoins d'autant de divagations. Les vues d'artistes qui essaient de se représenter la console pullulent et l'on voit de véritables petits bijoux. Quoi que l'on dise, malgré un certain scepticisme ambiant, la Nintendo DS fait couler beaucoup d'encre et torture les touches des claviers. Toujours en février, moult sites et journalistes tentent de mener leurs propres enquêtes et certains parviennent à des conclusions tout à fait intéressantes. Un certain magazine américain parvient, par exemple, à démontrer que Nintendo fait partie des partenaires de Sharp dans le développement d'écrans 3D, ou holographiques si vous préférez. Une rumeur de double écran permettant d'afficher des hologrammes ou des images en vrai 3D se répand immédiatement sur la toile et parvient à attirer l'attention des plus médisants. Alors cet écran 3D, vous le savez, ce sera pour un petit peu plus tard. D'autres rumeurs bien éclairées annoncent que les écrans pourraient être tactiles, que la machine serait équipée de la technologie Wi-Fi pour le jeu en réseau et que les capacités technologiques de la bête seraient identiques, voire supérieures à celles de la Nintendo 64. Bref, on ne sait plus où donner de la tête et qui croire. La confusion la plus totale règne au sujet de la DS, hein, qui provoque presque des guerres de religion. Les magazines japonais, eux, annoncent, de sources sûres, que les premiers kits de développement ont déjà été envoyés et que Electronic Arts ainsi que Sega font partie du lot. Une semaine plus tard, Famitsu, qui a interrogé un grand nombre de développeurs, réalise un sondage avec témoignage à l'appui, hein, et révèle que plus de 90% des sondés trouvent la console géniale et laissent entrevoir de grandes choses. Aucun détail sur la console et les fameuses innovations n'est donné, histoire de laisser les lecteurs un peu plus dans le flou et l'impatience. Le 10 mars 2004, suite aux révélations d'un développeur de chez EA, un site hollandais plus malin que les autres parvient à mettre la main sur des informations croustillantes. Grâce au site privé d'aide au développement sur les consoles Nintendo, il dévoile le nom de code Nintendo Nitro. De plus, le lendemain, tous les sites proposent le scan d'une fuite de première importance, une page confidentielle en japonais détaillant les capacités de la machine. Beaucoup de rumeurs prennent fin, tandis que d'autres sont confirmées. Outre les capacités convenables des processeurs, la Nitro possède bel et bien un touch panel, une connexion Wi-Fi et un micro à reconnaissance vocale. Mi-mars, rien ne va plus chez Nintendo qui se demande comment une telle fuite a pu avoir lieu. Les responsables de la communication avouent finalement que Nitro était bel et bien le nom de code, hein, des développeurs de la future DS et ne peut que confirmer donc ces révélations. Au mois d'avril, à un mois seulement, hein, du très attendu E3, les représentants de Nintendo vont tous confirmer et promettre aux joueurs de nouvelles sensations. Peu de choses sont révélées si ce n'est que la DS risque bien de devenir une machine de communication très performante. Si Nintendo hésitait à vendre la mèche au sujet de sa machine, ce n'est pas par peur d'être copié, mais parce que le concept, un peu délicat à saisir, risquait de porter préjudice sur la première impression des joueurs. Nintendo préfère que les joueurs l'essaient avant, hein, pour se faire enfin une véritable idée des possibilités de cette machine. À 2 semaines de l'E3, le net est en proie aux rumeurs les plus folles. Les yeux sont rivés sur la console et certains journaux américains sont prêts à payer $1000 à quiconque aura une photo de la bête en question à leur envoyer. Le 10 mai, parmi les organisateurs de l'E3, hein, notamment ceux qui préparent les installations, certains parviennent à introduire des appareils photos malgré les mesures de sécurité et à prendre quelques clichés du stand Nintendo. On y découvre le logo, des noms de jeux pour la DS, mais aucune console. Nintendo connaît bien les ruses de ses fiefés roublards. Le 11 mai, veille de l'ouverture du salon et jour des conférences de presse, hein, USA Today publie une photo de la Nintendo DS dès le matin, alors que la conférence de Nintendo n'est prévue que pour 20h. On ne sait que penser, est-ce un fake, la vraie DS? Les avis divergent, mais une chose est sûre. Si le cliché se révèle véritable, alors c'est une déception générale sur le plan du design. La DS, face à la PSP, fait véritablement office de jouet et pêche par son manque de classe. Vers 21h, avec une heure de retard à cause de transfert des journalistes qui reviennent de la conférence Sony, le tour de Nintendo arrive enfin. Le monde cesse de tourner et vers 21h20, Reggie Fils-Aimé, nouvelle figure du marketing Nintendo, sort de la poche la nouvelle console. La photo du USA Today était vraie, mais elle n'empêcha pas les journalistes d'applaudir avec enthousiasme. Toutes les spécificités sont impliquées en temps réel et les premières images des jeux de la console mettent la salle en transe. Metroid laissera la meilleure impression. Satoru Iwata viendra également remettre une couche pour vanter les mérites de sa console. Tout le monde repart enchanté de la meilleure conférence de presse du salon. Le 12 mai, les journalistes révèlent enfin leurs premières impressions après avoir joué à la console. Les avis sont unanimes, ça déchire. Bien qu'en cours de développement, les jeux au stylet promettent de nouvelles sensations sur console. Nintendo affirme que ces démos ne sont pas là pour impressionner graphiquement, mais pour donner une idée du concept. On y apprend également que le nom Nintendo DS ainsi que le design de la console ne sont pas encore arrêtés. Ouf pour le design. Après ce petit historique, hein, de la Nintendo DS qui nous a été conté par Florent Gorge dans le magazine GameFan datant de janvier 2005, ce n'est pas fini, car au mois d'août 2004, donc le design définitif de la console est enfin dévoilé au grand jour. Plus fine et racée que la première version, la DS est beaucoup plus tendance et nous apparaît toujours comme un jouet face au somptueux design de sa concurrente. Nintendo annonce également quelques jours plus tard toutes les dates de sortie, ainsi que le prix 15 000 yens au Japon et 150$ aux US, commercialisé le 22 novembre aux USA et donc le 2 décembre 2004 au Japon. À ces annonces, Sony repousse son annonce officielle du prix de la PSP ainsi que la date de sortie. La guerre fait rage. Pour la petite anecdote, la DS est la toute première console japonaise à sortir en priorité en Occident. L'unique raison de cet état de fait est mercantile, vous vous en doutez bien. Aux USA, les campagnes et la folie de Noël commençant vers Thanksgiving, les chances de Nintendo de liquider ses consoles étaient maximisées. Au Japon, les campagnes de Noël commençaient véritablement le 1er décembre. Nintendo, jouant beaucoup sur cette nouvelle bécane, allait débloquer des sommes colossales pour le marketing avec une très importante campagne mondiale, Touch DS au Japon, Touching is Good aux USA et au Canada, et Troll Fun au Québec. Au Japon, des spots TV en épisode mettent en scène la célèbre chanteuse pop Utada Hikaru, et ces spots eurent de très bons échos. Sur les trains locaux de la capitale, on pouvait voir certains wagons décorés aux couleurs de la DS et les 5 Nintendo World Tour DS dans les grandes villes nippones furent également un grand succès. 83 363 visiteurs, très exactement. Jamais on n'avait autant entendu parler d'une console avant sa sortie. On entendit également parler du nombre astronomique de précommandes, obligeant Nintendo à doubler subitement ses prévisions de vente à la mi-novembre. La firme fut d'ailleurs contrainte de passer commande auprès de nouvelles usines chinoises pour la production d'écrans et parvenir à contenter le plus grand nombre de joueurs possible. Rien qu'avec les précommandes, les objectifs de vente des 5 premiers mois étaient dépassés. Ces résultats et ces annonces entraînèrent à nouveau une hausse subite de la valeur de l'action de Nintendo de près de 4%. Cette précipitation soudaine et ce succès inattendu furent certainement la cause de quelques négligences sur certains écrans, problèmes de pixels morts, etc., relatés lors de la sortie aux États-Unis. Si le cœur des développeurs nippons se partage entre les deux rivales, PSP donc et Nintendo DS, les sondages réalisés auprès des joueurs affirment que la DS était plus attendue que la PSP. 73,3% d'attente impatiente pour la console de Nintendo, contre 59% pour la portable de Sony, d'après Famitsu. Alors, le jour de la sortie au Japon, nombreux furent les Nippons à faire la queue devant les magasins de jeux vidéo. On dénombrait près de 300 personnes à Akihabara, 500 000 consoles furent commercialisées au lieu des 300 000 prévues, avec 5 jeux aux US et 12 au Japon. En 4 jours, tous les magasins affichaient rupture de stock le 13 décembre, soit 11 jours après la sortie nippone et 3 semaines après sa sortie américaine, la DS s'était écoulée à 1,5 million d'unités, 700 000 unités au Japon et 800 000 aux US. Ces excellents résultats, dépassant de loin les prévisions des premières annonces, sont à peu de choses près identiques aux performances de la GBA en 2001. Bref, lancement parfaitement réussi aussi bien en Amérique du Nord qu'au Japon. Comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment le mois de mars chez nous. Quoi qu'il en soit, on est déjà sûr et certain que le droit de parole de l'ex-PDG M. Yamauchi dans les réunions de l'Assemblée dirigeante n'est pas, pour les mois à venir, altéré. Voilà ce que j'avais envie de vous lire, chères auditrices, chers auditeurs, ce matin pour cette édition inédite, cette rubrique rétro, revue de presse rétro. Donc je le répète, issue du magazine GameFan numéro 7, daté du mois de janvier 2005, avec sa sublime couve signée Fabien Vautrin, qui est notamment l'un des fondateurs de l'éditeur Kurokawa avec Grégoire Hello. Une couverture absolument sublime. GameFan, c'est le premier magazine auquel j'ai pu participer à l'époque où j'étais journaliste, mais là, bien évidemment, c'était les mots de Florent Gorge. Déjà à l'époque, et je suis retombé dessus récemment, donc avec grand plaisir, je trouvais l'idée de ce dossier, en revenant chronologiquement sur toutes les annonces qui ont précédé la sortie de la DS, je trouvais ça vraiment très très très intéressant, hyper pertinent et original, et donc j'avais envie de vous reparler de ça ce matin. Donc, vous le savez, si vous suivez l'émission, lundi, l'édition quotidienne revient en force. Au niveau de la grande revue de presse JV, je tiens vraiment à m'excuser vraiment platement auprès de vous et encore plus particulièrement aux participants qui se reconnaîtront de cette édition, mais effectivement avec des problèmes de fichiers, puis après des problèmes informatiques aussi, des problèmes donc liés au déménagement, des coupures internet, etc. Bref, ça a été vraiment la totale. Là, au moment où je vous parle, j'ai réussi à monter la moitié de l'émission, donc je vais vraiment faire en sorte pour que vous l'ayez le plus rapidement possible là dans la semaine qui vient. Donc je fais au mieux. Voilà, le 3 approche également, et donc il y aura des belles choses à faire, de bien belles émissions. Bref, il y a beaucoup de choses géniales qui arrivent. Je vous remercie pour votre fidélité, vraiment, chers tipeurs, heureusement que vous êtes là. Et puis n'hésitez pas à propager la bonne parole, à partager, à commenter sur les réseaux sociaux, tout ça, vous ne le savez que trop bien. Bref, je vous souhaite panache et robustesse, la bonne bise, bien baveuse, hein, sur la joue de votre choix. Et donc je vous dis à lundi, à très vite, hein, pour attaquer une nouvelle semaine de Revue de Presse JV. Allez, bye bye.